Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! On aime ça découvrir des styles musicaux qu'on connaît un petit peu moins, tu sais, des choses qui sortent des sentiers battus. Et quand on fait ça, ben Colin, le courant passe. Lessard. Bonjour Mathieu Plante. Ça va bien. Oui, ça va bien, ça va bien. T'as vu Stéphanie Paradis? Allô? Oui. Bonjour Stéphanie. T'as mis un chandail de la même couleur que ma mousse de micro. Ah ouais. Mais vous êtes pas mal dans le bleu chandail. Tout le monde. Ouais. En vrai, je viens de remarquer qu'il y avait le bon chandail. Moi, je suis dans le bleu beaucoup trop pâle, là. Je fais de pas pour en tout, mais bon, c'est pas important ça. Ouh, ça, bleu. Il y a du bleu, là. Oh, c'est... ok, là, oh, les petites rayures, là. En tout cas, caché dans. Garde ta radio dans ton comme fou, bourrelet, Steph. Là. Garde ta radio comme fou. Donc, Olivier Lessard, on parle de musique, on parle de styles musicaux qu'on a un petit peu moins. Des fois, on a passé par le hip-hop québécois, la semaine passée, le rap effectivement. Québécois. L'Oregon. Oui, oui, oui, la Abitibi-Témiscamingue, oui. Les épices. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, un coup de théâtre. coup de théâtre, ça va parler plus ou moins de courants musicaux. Okay, okay. Parce que c'est un spécial. Oh! Les spéciaux, ça, dans le fond, c'est des chroniques qui me permettent de dévier le temps d'une chronique. C'est un déviant, là, vraiment. Je suis un déviant de mon concept de chronique, mais c'est pour une bonne cause, encore une fois. Et personne ne va m'en vouloir parce que ça va être une chronique sur le printemps. Ah, c'est bien ça. Hey. Ben oui. Vous avez remarqué certainement la semaine dernière qu'il faisait un petit peu plus chaud. Qu'on a failli arriver avoir... dans le printemps. Ouais. Hein? Effectivement. Là, on est revenu comme on était, je pense, pas mal. Là. Et si vous ne l'avez pas remarqué, c'est soit que vous n'êtes pas sorti dehors ou soit que vous n'avez pas lu le Journal de Montréal parce qu'ils en ont parlé à ben quelques oui. reprises. Oh boy. Grosse nouvelle. On pourrait changer de chanson. C'était un peu intense. Toi, t'es facilement déconcentré, toi. Hein? C'est un peu ça que t'es en train de me dire. T'es un petit peu facilement déconcentré. Ben, c'est parce que l'autre, elle me remplit tellement de bonheur le matin que je peux parler comme ça, puis tranquillement. C'est très subtil comme transition, je trouve. C'est ça qui est fort. Oui. La prochaine fois, je vais essayer d'être plus subtil. Je vais souffler comme ça dans le micro. Je vais essayer, Mathieu. Je vais changer de chanson. Tout ça pour dire que là, je ne vous parle pas de printemps de jardinage, ni de printemps de politique. Je vous parle de printemps de musique. Parce que il y a deux moments le fun dans une année chez un disquaire. En fait, il y a deux moments où il sort beaucoup d'albums. Il y a celui à Noël, ça c'est un peu moins le fun parce que c'est tout le temps les mêmes 4-5 albums qui sortent, là, une espèce de compil un peu random d'artistes québécois qui se mettent ensemble puis ils font un nouvel album Party Noël. Mais là, au printemps, là c'est du gros stock qui sort. Gros stock. Puis moi, je vais vous parler de trois albums principaux. Okay. Moi, j'ai downrollé ça, là, tout ce qui allait sortir dans le prochain mois, puis j'ai pris trois qui m'intéressaient. Downrollé, j'avais jamais entendu parler de ça. Particulièrement. Okay. Oui, c'est un anglicisme. Qui déroule le rebord de la musique. Effectivement. Donc, le premier album, c'est un album de Sufjan Stevens okay. qui va sortir très prochainement. Oui. Connaissez-vous Sufjan Stevens? Un peu, il y a déjà été sur le palmarès anglophone de C'est fou, il y a déjà été là. Je vous le demande toujours. Ça va s'appeler No Shades in the Shadow of the Cross. Et ça va... En fait, ça, c'est le nom de la chanson qu'on va écouter. Okay. L'album va s'appeler Carrie and Lewell. Et ça va sortir le 30 mars en Europe. Et ouais. Le 31 mars, ici même. Un jour de retard. Ouais. Encore. Effectivement. Le 31 mars? Oui, il y a ça. Allez. Ah ben ouais. Ouais. Et là, pour bien comprendre l'ampleur de cette sortie, je peux vous faire une petite historique. Sufjan Stevens, c'est un gars qui est né au Michigan. Un gars qui est très attaché à son Michigan, d'ailleurs, parce qu'il le a hot dog. Sorti les hot dogs Michigan. Il y avait ça à la place du cordon ombilical. Il coupe le hot dog. Effectivement. L'as-tu mangé après? T'as lu sa biographie? Oui, c'est ça. Ah, un crime. C'est Mathieu qui l'a écrite, en fait. cool. Lisez pas ça, c'est de la merde. C'est sur Wikipédia, c'est vrai. Oui, effectivement. Ça va changer puis ça serait accepté. Mais Wikipédia, je trouve que c'est pas une très bonne source fiable. C'est non, on a déjà essayé d'inventer un courant littéraire, puis après une journée, c'était plus là. Il y a vraiment des gens qui surveillent, malheureusement. Ouais. Ou heureusement, voilà. Ça dépend. Donc, Sufjan Stevens a sorti quand même beaucoup d'albums, mais il part tellement dans des directions là, à chaque album qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Pour te donner quelques exemples, son deuxième album, Enjoy Your Rabbit, c'est une espèce d'album expérimental sur les signes zodiaques chinois, électroniques. Ah. C'était un peu dur à suivre. Par la suite, il a fait Seven Swans, qui est un album qui est excellent, mais qui est un album chrétien. Jusqu'à ce moment-là, on connaissait pas Sufjan Stevens comme un fervent chrétien, mais il nous l'a prouvé par cet album-là. Fait que t'écoutes les paroles, j'imagine, pour comprendre que c'est un album chrétien. J'ai pas remarqué ça. J'ai écouté les paroles, mais j'ai aussi fait des petites recherches. Ah oui, quand même. Je sais pas ça. Et après ça, il a fait Welcome to the Illinois, qui est probablement son plus grand succès. Et son album le plus complet, un album qui est beaucoup de banjo, de guitare acoustique, de mandoline, mais qui a la particularité d'être accompagné par un orchestre la plupart du temps. C'est très spécial, c'est tout droit sorti des rêves, souvent dans l'orchestre. Là, parmi eux, les gens sont déguisés en papillons, on sait pas trop pourquoi. Là, quelques albums plus tard, il nous arrive avec son nouveau, Kerry and Lowell. Kerry, c'est le nom de sa mère qui est décédée, donc désolé pour cette jeune. Condoléances. Mes condoléances. Et de ce qu'on en entend là, jusqu'à maintenant, ça va être un album qui va être bien, bien, bien relax. Banjo, voix, il va pas trop dans les extravagances. Ça me semble qu'il y a un autre mot. Non. En tout cas. Ouais. Excentricité. Exact. Oui. Et Oui. Et pour que vous compreniez bien, je vais vous faire entendre un extrait qui s'appelle No Shades in the Shadow of the Cross. Now that I fell into your arms, my only lover, give out to give in. I search for the castle I lost. Drag me to like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. Ooh. Ooh. I slept on my back in the shade of champion, get drunk to get laid. I take one more hit when you depart. I'll drive that stake through the center of my heart. Lonely vampire inhaling its fire. I'm chasing the dragon too far. Ooh. Ooh. There's blood on that blade. Fuck me, I'm falling apart. Assassin like Casper the Ghost. There's no shade in the shadow of the cross. Donc, Sufjan Stevens qui va être du côté de Montréal à la salle Wilfred Pelletier le 30 avril. 30 avril, ça, c'est, y a-tu un 31 avril, genre février, mars? Hein? Non, il n'y en a pas. Non. La dernière. Oui, dernière journée. Ça finit bien le mois. Exact. C'est ça. Comme dirait TVA avec. Comme dirait TVA. Show, ça finit bien le mois. Je vous dis si je me trompe pas. Ça se peut bien. Ouais, il y a une paye. Ouais. Hey, c'est donc, on parlait justement de, en ronde de sortie de disque, parce que là, celui-là va sortir un mardi. Ben oui, puis tu m'as donné un scoop. Ouais, ben c'est ça, l'article est sorti à la fin du mois de février à peu près. C'est l'industrie de la musique qui va faire du vendredi la nouvelle date de sortie globale pour la musique, ça veut dire. Ben, bonne affaire. Partout. À la place d'avoir le mardi pour les États-Unis, l'Amérique du Nord, puis le tel jour pour l'Europe, tel jour pour l'Asie, ça va être tout le même jour le vendredi. Je pense que ça va être plus marketing de cette façon-là. Ouais, c'est vrai. C'est cool. T'as deux autres choix dans ta chronique Le cours en passe, Olivier Lessard. Oui, effectivement. Un deuxième album qui va sortir le 31 mars également. Wow! Beaucoup de sorties le 31 mars. C'est l'album de Godspeed You Black Emperor, qui est un groupe qui commence là, à être pas mal connu. Un groupe de Montréal, du Montréal anglophone, mm-hmm. qui est un peu la figure marquante, en fait, du Mile End. Les gars de ce groupe-là sont un peu à l'origine du label Constellation. Okay. C'est pas eux qui l'ont starté, mais c'est le premier groupe d'importance qui en a fait partie, donc qui a mis Constellation sur... sur la map. Sur la map des étoiles. Sur la map des étoiles. Exactement. Et Godspeed, qui est aussi à la base de la Casa del Popolo, qui est une salle de spectacle café très connue à Montréal. Et leur parcours est très difficile à expliquer parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Les gars sont très activistes, sont ouvertement anticapitalistes. Okay. Et il parle pas beaucoup avec les médias. Donc, il y a tout le temps quelque chose de flou qui tourne autour d'eux. Un peu comme on disait là, au début, quand Arcade Fire sortait, on disait « Ouh, on sait pas trop d'où ils viennent. » Là, on le sait en maudit d'où viennent Arcade Fire. Mais eux autres sont... qu'ils retournent certains, tu sais. Ben, peut-être. Mais Godspeed, ils ont encore un flou autour d'eux. Mais si vous voulez bien comprendre la gamique, il y a un film qui s'appelle From Montreal, qui est un documentaire sur la musique émergente à Montréal, qui est disponible sur le site de Télé-Québec et qui vaut vraiment la peine. Le nouvel album, donc, ils ont sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Peasantry or Light Inside of Light sur l'album Asunder Sweet and Utter Distress. On écoute ça un peu? Ah oui. We'll be right back. Godspeed You Black Emperor. Donc, encore une fois, ça risque d'être un album qui va être assez lourd, assez chargé, avec beaucoup d'instrumentation. Quelque chose de planant là, qui est un peu Moyen-Orient. Tu sais. Ouais. Mais ça va être excellent. Excellent. Et là, je vous parle dans un autre type de CD complètement. Le nouvel album de Def Cab for Cutie. C'est cool, ça, j'ai hâte, j'aime beaucoup ça. Mm. Ben, moi aussi, j'aime beaucoup ça. Moi, ça a été mon gros buzz au cégep. Tu sais, le cégep ouais. Un peu émotif, là, on commence à écouter du Def Cab. Mais sans être trop émotif non plus, les gens, des fois, rient de ça comme étant un groupe quasiment emo, mais je sais pas, je pense ah, pas. C'est pas pire émotif ouais, quand pas même. Pas là. Tant. Je sais pas quel album, mais mettons Plans, là. Ouais. Il y avait Heart dans 8 des 10 tunes. C'est vrai. C'est toujours mieux que Love, tu sais. Oui. Dans chaque titre. Non, mais moi, je suis pour ça, avoir été très, très émotif. Mais ouais, ouais. Écoute, les émoticônes sont tout le temps celui avec les larmes. Puis, moi, c'est tout le temps ça. C'est ça. Quand t'écris. Et Def Cab, c'est un peu... ça fait longtemps qu'ils sont là, pareil. Tu sais, c'est un peu les vétérans, en fait, du... de l'indie rock lover emo. sont putain indie, en fait. Non. Parce que, tu sais, leurs chansons se sont retrouvées dans un paquet de téléséries, dont Newport Beach, Six Feet Under, Les Experts Miami, How I Met Your Mother, Californication. Donc, quand t'as cette liste-là, tu peux plus te dire indépendant. T'es connu. Les gens t'ont chasamé en masse. T'ont chasamé. Ouais, ouais. Puis, mais ça change rien au fait que tu peux sortir un superbe album. Donc, l'album... après avoir sorti des classiques, comme je disais, Plans, Trans, Atlantis, ouais. Qui était incroyable aussi. Ben là, ils sortent Kintsugi. Gui, okay. Oui. Kintsugi, si t'as de la misère à le prononcer, c'est pas grave parce que ils sont passés dernièrement à David Letterman et David Letterman était absolument pas capable de prononcer le mot. Puis, Adele Dazeem. Moi, je trouve ça très cool de critiquer le travail de David Letterman ce matin. Je trouve que ça me c'est rend ça? Big. C'est quoi après ça? Il va se faire sacrer de « Ah oh, non, il a pris sa retraite déjà. » Ben moi, j'ai dit je suis ouvertement en guerre contre David Letterman. Il peut me planter dans son émission. Oh, Olivia Sard. Come on. Be nice, please. Et Kintsugi, ce que ça veut dire, en fait, le chanteur l'a expliqué aussi, c'est une espèce de tu sais, qu'il y a une poterie. C'est drôle, mais tu me dis ça, puis j'ai expliqué la même chose parce que l'album de Hey Rosetta s'appelle. Il y a une pièce qui s'appelle Kintsukuroi dessus, puis c'est l'affaire de poterie asiatique. Et quand tu le casses, ouais. Les autres, ils le remettent en forme de bol, puis ils mettent de l'or dessus, genre pour comme souligner les imperfections. Puis, exact. C'est la même affaire qu'une pièce de Hey Rosetta qui vient de sortir. Ils sont pas très originaux. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais, non, mais Rosetta, je m'en souviens, mais là, tu viens quand même de me péter ma. Olivier Sartre, je pensais que t'allais me dire. Ah ouais, puis tu sais quoi, je m'en sac. Tes informations, là, sont pas importantes. Et bref, la nouvelle chanson, ça s'appelle Black Sun. Ils ont sorti trois chansons en fait qui sont disponibles sur YouTube. Mm-hmm. Mais Black Sun, c'est la seule à avoir un clip, un très beau clip d'ailleurs. Et rien de plus à dire. On a très hâte. Ouais. On capote en studio. Aïe! Écoutez ça. Bon matin. Bonne semaine. Merci Olivier Lessard. Bonne vie. À la semaine prochaine. Ça fait plaisir. C'est le courant part. C'est le lundi à 7h30. Bonjour, on y va. So cool when it's C'était Dead Care for Cutie et la pièce Black Sun sur leur nouvel album dans la chronique Le Cours en Passe avec Olivier Lessard. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecfou.ca. Plongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. Je vous présente justement ce que cache une trappe métallique. C'est aux États-Unis, donc en prévision de catastrophe, certains Américains n'hésitent pas à dépenser des milliers, voire plusieurs milliers de dollars pour protéger leur famille. Aux États-Unis, donc, c'est la société Atlas Survival qui s'est spécialisée dans la conception et la construction d'abris de survie pour un peu plus de 40 000 $ en entrée de gamme. Quand même pas si pire, 40 000 $. Eh bien, vous pourrez vous offrir une véritable maison souterraine équipée de tout le confort nécessaire. Conçu en acier, l'abri est enterré à plus de 20 mètres sous terre et est fait pour résister à plus de 200 ans. Je vous présente la visite guidée en photo de cet abri. Justement, à la base, c'est une trappe qui s'ouvre carrément dans le sol de n'importe quel plancher, de n'importe quel terrain, finalement. Et là, on descend dans un genre de tuyau d'égout, hein, un gros tuyau, avec des escaliers, mais ça fait pas... ça fait bunker, bien sûr, mais ça fait quand même intéressant, pour vrai. C'est pas dénudé de style. Et là, on rentre dans le bunker, il y a la salle à manger, le confort est là, en plus petit, mais c'est un peu comme une roulotte finalement. On a un salon, cuisine, vraiment une maison complète, mais dans un tuyau. C'est des gros tuyaux de métal, des tuyaux métalliques d'égout finalement, un peu comme on peut dire des tuyaux d'égout, mais qui sont aménagés un avec l'autre et plusieurs chambres. Selon vos moyens, eh bien là, on peut ajouter... comme on veut, là, de nombre de pièces, ça peut vraiment être immense. Salle de bain, douche, etc. Vous irez voir les pas les vidéos, mais les photos. C'est vraiment très, très bien conçu. Génial. Avoir de l'argent, je pense que je m'en fais une. Dans l'époque qu'on vit de nos jours, c'est pas dénudé de sens, je vous dirais. Ici, après une dispute avec sa femme, il découvre une pépite d'or de plus de 2,7 kilos. Alors que sa femme lui avait demandé d'aller faire une promenade pour aller faire passer sa bonne humeur, eh bien, c'est un Australien qui a fait une incroyable découverte. Donc, en allant se balader dans le boisé proche de la ville de Sydney, Mick Brown, 42 ans, est tombé sur une pépite d'or pesant plus de 2,7 kilos. Je le cite, « Je pensais que c'était un gros morceau de cuivre, puis quelques instants après, je me suis rendu compte que c'était de l'or. C'est grâce au bon conseil de sa conjointe, qui n'en pouvait plus, de sa mauvaise humeur depuis qu'il a arrêté de fumer, que l'homme était sorti se balader. » Interviewé par la chaîne australienne Nine News, Mick Brown n'a pas voulu révéler l'endroit exact de sa découverte, qui est chiffré à plus de 200 000 $. Toutefois, il assure avoir retenu la leçon. « Maintenant, je suis persuadé qu'une bonne balade est beaucoup plus... » profitable, pardon, que de rester chez moi à regarder la télévision et à me morfondre. Hein? C'est comme ça. Ben, bonne nouvelle, tant mieux pour lui. Ici, particulier, vous allez voir, un homme espionnait son fils en train de faire l'amour à l'aide d'une caméra. Un papa bienveillant ou un papa pervers? On se pose la question. Hein? Je pense poser la question, c'est d'y répondre. Un père donc d'une famille britannique vient d'être jugé pour avoir espionné son fils pendant qu'il faisait l'amour avec sa petite amie. L'homme âgé de 53 ans avait installé une caméra dans la chambre du fiston pendant son absence. Ainsi, le papa voyeur pouvait directement observer les ébats sur la télévision de la cuisine. Aïe aïe! Le poteau rose a été découvert par la sœur du garçon. La fillette âgée de 12 ans était en train de zapper avec la télécommande lorsqu'elle est malencontreusement tombée sur la chaîne où étaient diffusées les images de son frère en train de coucher avec sa copine. Dans un premier temps, la jeune fille a décidé de prévenir son frère qui est immédiatement retourné dans sa chambre afin de trouver la caméra. En fouillant, il a également découvert que son père conservait une capture d'écran de sa copine complètement nue. Furieux, le jeune homme de 21 ans n'a pas attendu longtemps pour demander des comptes à son père. L'affaire a été portée en justice et les enquêteurs ont découvert qu'en plus d'espionner son fils, le papa avait déjà abusé de sa fille de 12 ans. Ouf, ça c'est moins drôle, hein? Il a finalement été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement. Papa, finalement la question, papa bienveillant ou papa pervers, j'avais dit qu'on avait déjà posé la question, c'était d'y répondre. Ici, je vous envoie l'incroyable histoire de l'homme qui s'est envoyé lui-même par la poste pour tenter de voyager à moindre frais. N'ayant pas beaucoup d'argent pour rejoindre sa famille en Australie, un Londonien a eu l'idée de s'emballer lui-même dans un colis pour éviter de payer le billet d'avion. Âgé de 22 ans, Reg Spear, un lanceur de javelot, tenait absolument à retourner à Perth en Australie pour célébrer l'anniversaire de sa fille. Il a alors eu l'idée de construire une boîte en bois suffisamment grande pour s'installer dedans. À l'intérieur de la boîte, Reg a installé des sangles pour rester attaché lors du transport. Afin de survivre durant le trajet, l'homme avait également emporté avec lui une bouteille de jus de fruits, deux repas, une boîte de biscuits et un paquet de chewing-gum. Le jour du départ, il s'est enfermé dans la boîte et a demandé à ses amis de l'expédier à l'aéroport. Pendant les différents vols, il a pu sortir du colis pour se promener dans les soutes des avions. Au cours de son voyage, Reg Spear a frôlé la déshydratation et a failli mourir, notamment après avoir été laissé pendant plusieurs heures sur le tarmac d'un aéroport à Bombay en Inde. Finalement, le voyageur est arrivé à bon port au bout d'un périple qui a duré 63 heures, à cause notamment de nombreuses escales. Cette extraordinaire histoire s'est déroulée en 1964 et a récemment été racontée dans un livre intitulé « Out of the Box, the High and Low of a Champion Smuggler ». Aujourd'hui, il est âgé de 73 ans. Reg Spear profite de sa retraite dans sa ville de Adélaïde, en Australie. Belle histoire, mais presque incroyable. Sérieusement, là, c'est assez hallucinant. Il faut que tu veuilles, hein? Il faut que tu veuilles. Ça, c'est sûr. Ici, sérieux, c'est une des histoires les plus atroces que j'ai lues. Un homme, ben, je sais, tuer c'est pire puis tout, mais tuer t'es mort, c'est fini. Là, en Iran, un homme est condamné à être aveuglé par la justice. Une belle justice quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait là, mais quand même, hein. Amnesty International, Association internationale bien sûr de la défense des droits humains, déplore un châtiment d'une extrême cruauté. C'est un Iranien coupable d'avoir défiguré et rendu aveugle un homme en lui jetant de l'acide au visage, okay, qui a été condamné à être aveuglé sans anesthésie par la justice iranienne. OK, mais quand même, il avait défiguré et rendu aveugle un homme en lui jetant de l'acide d'en face. Eh bien, il est condamné à la même chose. Sans anesthésie. Donc, l'homme prénommé Hamid a été jugé selon les principes du Kessa, donc la loi du talion, principe de œil pour œil, une jurisprudence islamique qui consiste à punir le coupable du même châtiment qu'il a fait subir à sa victime. J'avoue que c'était pas très gentil, là, mais quand même, l'aveuglement par arrachement a eu lieu le 3 mars 2015 dans une prison de Karjai à l'ouest de Téhéran. Dans la foulée, le coupable s'est aussi fait couper une oreille. Mais ce n'est pas tout. En plus des châtiments corporels, Hamid a également été condamné à 10 ans de prison ferme et payer la DIA, une compensation financière à la victime. Dans la plupart des condamnations de ce type, le coupable se fait arracher un œil sans anesthésie en la présence de la victime ainsi que la famille. Selon la justice iranienne, ce genre de jugement barbare vise à dissuader les citoyens aux attaques à l'acide de plus en plus fréquentes envers les femmes. Ben ça là, je suis en train de me poser des questions sur ma vision des choses parce qu'il y a du bon là-dedans, je trouve. Hein? Parce que si vous voyez la femme qui a été brûlée à l'acide... c'est atroce, là. Ça se peut juste pas. Dans un communiqué, Amnesty International s'est dit choqué, punir quelqu'un en l'aveuglant délibérément et d'une cruauté rare. L'aveugler, lapider ou amputer quelqu'un sont des formes de punition prohibées par la loi internationale. En 2011, Ahmed Behrami, une femme iranienne, avait été aveuglée dans une attaque à l'acide et avait épargné son agresseur de l'aveuglement en le pardonnant. Sérieusement, c'est vraiment des questions qui posent des problèmes moraux, là. C'est vraiment, hein, c'est des questions vraiment à répondre. Et en tout cas, faites-vous votre idée. Moi, je sais plus quoi penser de cette nouvelle. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Ça nous amène à chaque semaine, les mardis, en fin d'émission, à faire soit une Master Steph ou une grosse pointe all dress. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la grille dans laquelle on achète un produit dans un grand magasin, grande surface, un petit dépanneur, peu importe la grandeur de la place, mais on sait que c'est un produit qu'on devrait pas nécessairement s'acheter. On l'achète quand même et on y goûte en direct à la radio. Ouais. On vous aide à faire de meilleurs achats. C'est comme l'épicerie, mais version cheap. Effectivement. Sans aucun conseil. Aucun reportage. Absolument rien de pertinent. On développe pas. Aucun développement, aucune personnalité non plus. On compare pas vraiment non plus... C'est aucunement comme l'épicerie, finalement. Mais pour le manger. C'est ça. Donc c'est aujourd'hui. Tu m'as rendu comme une fille? Ouais. Et voilà. T'as raison. On était comme une fille? C'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Un gars puis une fille, en me pointant un gars puis en te pointant un fille. Ben, hein? c'est normal. Donc aujourd'hui, Steph, je te demande ton expérience buccale. En fait, qu'est-ce que t'as envie de manger? Parce que j'ai apporté de la gomme et j'ai apporté du chocolat. Ah, quelque chose qui s'avale. Du chocolat? Tu peux avaler ta gomme, c'est pas super constant. J'ai vraiment faim. On j'ai mangé, mais j'ai faim. J'ai faim. OK. J'ai faim. Ben, je sais pas si c'est super original, mais moi, je trouve, elle m'a vraiment attiré. C'est petit! C'est quand même petit. Ça tient dans ta main? Oui, j'en ai juste une avec moi. J'ai pas mangé l'autre, ne t'en fais pas, mais j'étais pas sûr encore. Donc, c'est la Snickers Rockin' Nut Road. Ah! C'est intriguant quand même de regarder ça, parce que sur l'image, à l'avant... tu vois des noix, des amandes. On voit des noix. On voit des noix, des amandes ici. Ah ben oui. Et on voit quelque chose de blanc qu'on sait pas trop. On voit des noix, quelque chose de blanc. C'est pas une guimauve? Ben moi je pensais que c'était sûrement une guimauve. C'est de la guimauve. Ça ressemble à un s'mores.

à 23h aux mineurs. On en a parlé la semaine dernière, je vous ai énuméré tous les règlements ridicules que Tabor voulait imposer. Alors déterminés à renverser cette nouvelle loi, Jordan Blumen, Matthew Grisiuk et Scott Winder ont lancé Save Us Bacon, une campagne Kickstarter visant à convaincre l'acteur Kevin Bacon de visiter leur ville. La petite ville du film Footloose avait besoin d'un héros. Ils avaient besoin de Kevin Bacon qui porte une camisole. Monsieur Bacon, plus que jamais, les gens de Tabor en Alberta ont besoin d'un héros, peut-on lire dans la vidéo qui a été lancée sur YouTube. Le groupe de citoyens est d'ailleurs persuadé que ce nouveau règlement municipal va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans le film Footloose, Kevin Bacon tenait le rôle d'un ado de Chicago qui, après avoir déménagé dans une petite bourgade, une petite ville où il était interdit de danser et de s'amuser et d'écouter de la musique rock, se retrouve à la tête d'une mobilisation visant à annuler ce règlement. Bien qu'ils espèrent voir Kevin Bacon reprendre momentanément son rôle de Ren McCormack, les organisateurs de Save Us Bacon assurent que peu importe l'issue de la campagne, ils tiendront leur fête dans le centre révolutionnaire avec l'argent qu'ils auront amassé. Bonne nouvelle, et puis c'est vraiment sympathique ce petit clin d'œil à l'histoire cinématographique des années 80, hein? Un étudiant de 23 ans meurt en buvant 25 shooters en 60 secondes. Ça, c'est reluisant. Ça aussi, ce soir, aujourd'hui, c'est le midi des champions. Le midi des champions. Ça pourrait s'appeler de même, le dîner de con, le midi des champions. Pour vrai, ce serait très bien, je pense. Un étudiant de 23 ans a perdu la vie après avoir bu 25 shooters de vodka en moins d'une minute. Humberto Moura Fonseca, Humberto Moura Fonseca participait à une compétition de boissons universitaires brésiliennes lorsque le groupe l'a mis au défi de boire 25 onces d'alcool fort en seulement 60 secondes. Le jeune homme et 6 autres étudiants se sont écrasés au sol après avoir absorbé la grande quantité de boissons trop rapidement. Malheureusement, Humberto est décédé en route vers l'hôpital. 3 autres participants sont toujours aux soins intensifs, selon un porte-parole de l'hôpital. Un ami de la victime a confié au tabloïd anglais The Mirror que ce dernier avait déjà cité le poète russe Vladimir Mayakovsky, sur Facebook. « Vaut mieux mourir de vodka que d'ennui. » Il ne pensait que jamais que cette citation lui deviendrait une réalité. Le porte-parole de la police affirme que les organisateurs de la fête seront accusés d'homicide. 2 étudiants ont déjà été arrêtés. Homicide involontaire, là, j'espère, parce que je pense pas que le but, c'était de tuer du monde. Hein? On s'entend. Il y a Dairy Queen qui vous offre de la crème glacée gratuite. Quand? Aujourd'hui même. Ben oui, ils l'ont choisi la journée, hein, avec 2 pieds de neige de plus. Pour souligner donc son 75e anniversaire, le géant de la crème glacée Dairy Queen a décidé de faire les choses en grand. Le 16 mars prochain, aujourd'hui même, eh bien, tous les amateurs de délices sucrés qui se présenteront dans les magasins participants de la chaîne pourront repartir avec un petit cornet de glace à la vanille molle, et ce, sans devoir débourser un seul sou. Les dons en argent seront également amassés au cours de la journée pour la fondation Children's Miracle Network. Opération Enfant Soleil bénéficiera de la contribution des donateurs. Alors, êtes-vous prêts à célébrer l'arrivée du printemps? Les 2 pieds dans la neige! Eh bien oui, allez-y, aujourd'hui même, si ça vous tente, peut-être que vous nous entendez, vous êtes en voiture, eh bien, Dairy Queen vous offre de la crème glacée gratuite pour le 16 mars, pour aujourd'hui. Ah, je voudrais souhaiter aussi la bonne fête à mon ami Pat Veillette, tant qu'à y être, hein? Et sinon, la dernière tendance maquillage au Japon, savez-vous c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir l'air malade. Pourquoi pas, hein? La prochaine fois que vous vous mettrez du cache-cerne, pensez-y à 2 fois. Apparemment, ce look malade fait fureur au Japon. Cette tendance étrange, connue comme le Moshita-Shitashiku, signifie « blush sous les yeux » et caractérisée par un mélange de peau très pâle, d'yeux gonflés et de peau rougie autour des yeux. Le résultat, eh bien, une apparence semblable à celle d'une poupée qui est un peu malade ou qui est triste, hein, on peut dire ça. Selon les écolières japonaises, un visage malade consiste en un visage pâle, des sourcils songeurs et des lèvres et des joues légèrement maquillées. C'est ce qu'explique la blogueuse Kanato Karita. Le look leur donne une allure de demoiselle en détresse qui donne envie aux gens de les protéger. Mais je vois leur buzz, là, mais c'est un petit peu malsain, je trouve. Cette tendance est tellement populaire que l'utilisateur de Twitter TCB a créé une campagne de financement populaire pour que sa palette Petit Chaperon Rouge fasse son entrée dans le marché maquillage. Faut que ça soit triste, hein, un peu, c'est tristounet. Donc, ne vous méprenez pas, on apprécie l'audace en termes de maquillage, mais on comprend difficilement comment le fait d'avoir l'air d'une demoiselle en détresse peut sembler attirant. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Ben oui, mais tu sais, hein, quand on veut protéger une petite princesse japonaise, il y en a qui peuvent être allumés par ça, madame, messieurs. Hein? Parce que je pense que ça doit être une dame qui a écrit l'article. Oui, Madeleine Chung. Ben, c'est ce que je disais. Hein? Parce que c'est ça. Les hommes comprennent, les dames comprennent pas. Mais je parle ce trip-là. Là, hein? Elles veulent être protégées, avoir le prince charmant qui va les prendre dans leurs bras et qui va leur dire « Ok, tout est fini, c'est beau, tu peux relaxer, je suis là. » La reproduction douloureuse des escargots, on vous en parle immédiatement. Les escargots ont pris Cupidon au pied de la lettre. Une étude relayée par le National Geographic montre que certains spécimens, au moment de la reproduction, envoient des flèches à leurs partenaires, provoquant une baisse de la fertilité et de l'espérance de vie de leurs victimes. Une équipe de scientifiques menée par Kazuki Kimura, biologiste à l'université de Tohoku au Japon, a observé des scènes de copulation chez plusieurs espèces d'escargots. Ils estiment que les flèches acérées sont dangereuses pour la santé de l'escargot et tentent d'expliquer pourquoi ils paient le prix fort de leur procréation. Les escargots touchés par les flèches pondraient moins d'œufs que leurs congénères. Épargnés, ils ne vivraient que 60 jours, soit deux tiers de l'espérance de vie moyenne d'un escargot. S'ils ont recours à des mesures si contre-productives, c'est notamment pour éviter que le partenaire inséminé ne tente de se reproduire par ailleurs. Joris Ken, zoologiste, n'a pas participé à l'étude, mais explique cette perte de libido par le traumatisme physique causé par les flèches. Plusieurs espèces d'escargots hermaphrodites lancent ainsi ces flèches dans le corps de leur partenaire au moment de la copulation pour provoquer des sécrétions de sperme. Faites de calcium, elles sont essentielles dans la vie sexuelle, dissolues de certains escargots qui multiplient les partenaires pour se reproduire. Et là, bien particulier, on a un petit diaporama qui nous montre comment les dinosaures pouvaient réussir à copuler et à se reproduire. Bien, bien intéressant si vous n'avez pas d'idée de comment ça pouvait se faire. Mais tu sais, on lance une perche, hein? Personne ne les a vus se reproduire réellement. À part peut-être les tortues et les crocodiles, mais quand même. Ici, vous ne verrez plus jamais l'émoticon caca de la même façon après cette révélation. OK, je veux juste voir là. Tout ce que vous pensiez savoir est un mensonge. En fait, ces deux émoticônes sont un mensonge. L'emoji crème glacée et l'émoticône crème glacée et l'émoticône caca sont en fait pareils. L'émoticône crème glacée n'est qu'un émoticône caca sur un cornet. Oui, sérieusement, l'écrivain et auteur Peter Miller, basé à Los Angeles, en a fait la découverte mardi quand il a photoshopé l'émoticône sur un cornet pour l'envoyer à sa copine en blague. Et voici le gif de sa qu'il a fait. Vous pouvez aller voir ça. C'est bien drôle. Vous ne verrez plus jamais cet émoticône de la même façon. Ou, entre autres, ou peut-être votre cornet de la crème glacée de la même façon. C'est selon. Hein? Et puis, c'est bien drôle. Vous irez voir. C'est très, très drôle. C'est rien, là. Mais quand même. Ça dit ce que ça dit. Et puis, ça sent fort. Au Portugal, un policier stripteaseur condamné pour avoir exhibé son arme de service. Un gendarme portugais a été condamné vendredi à 1 an et 10 mois de prison avec sursis pour avoir porté son arme de service lors de spectacles de striptease censés résoudre ses problèmes financiers. D'après l'agence Lusa, l'homme de 32 ans reconnu devant le tribunal de São João Novo à Porto s'est produit avec son uniforme de gendarme. Afin de rendre son personnage plus crédible, il a assuré que l'arme utilisée n'était qu'une réplique de son pistolet de service. Le gendarme qui a donné 4 spectacles de striptease dans plusieurs bars et restaurants le 8 mars 2014 à l'occasion de la Journée internationale de la femme avait évoqué des difficultés financières pour justifier sa conduite. Il a été suspendu de ses fonctions aussitôt après la publication dans la presse de ses photos de spectacle diffusées sur les réseaux sociaux comme Facebook où il apparaissait en portant uniquement un slip moulant et son béret militaire. Ben oui, c'est comme ça. Ici, cuisine insolite. Ah, ça donne faim, ça. Un taco bang pour le casse-croûte, ça vous tente? Eh bien, churro dog, pizza, Kit Kat, hamburger, twing, haman, les fusions culinaires de plus ou moins bon goût sont particulièrement en tendance ces temps-ci. Si certaines chaînes de restauration rapide se prêtent au jeu, c'est surtout sur Internet que les cuistots en herbe rivalisent d'imagination et osent de plus en plus hein, les combinaisons improbables. Le dernier exemple en date s'appelle le taco bang et comme son nom l'indique, il se présente sous la forme d'un bang, ce dessert en forme d'anneau dont on raffole Homer Simpson, fourré comme s'il s'agissait d'un taco en cas typique de la cuisine mexicaine, comme le souligne le site Daily Dot. Donc, c'est un certain Barry Abraham, utilisateur du site communautaire Reddit, qui a dévoilé cette étonnante recette. Évidemment, l'idée de mélanger beng et taco a de quoi interpeller, mais c'est aussi c'est toute l'histoire derrière la création de ce taco beng qui vaut le détour. Comme l'explique Barry Abraham, la concrétisation de son idée est en effet rendue possible grâce à l'impression 3D qui lui a permis d'imprimer un moule adapté à la préparation de ses taco beng. Vous irez voir ça, des images vraiment sympathiques et on voit ici la, comment je pourrais dire, la technologie derrière l'invention. Moi, c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Et puis, pour vrai, ça doit être très, très bon parce que de la pâte avec tout ce qu'un taco a dedans, on le fait frire, ça peut difficilement être mauvais. Vous irez voir ça. En tout cas, je vous le dis, ça donne vraiment faim. Ici, hein, on n'est pas là pour gagner la guerre. La guerre, c'est pas de raison de se faire mal. Non, mais quand un radar militaire suisse prend des vaches pour des avions ennemis, il y a peut-être une petite question à se poser. C'est l'histoire d'un radar militaire tellement performant et sensible qu'il lui arrive de confondre des vaches avec des avions ennemis. Performant, je ne sais pas. Sensible, peut-être. Peut-être pas performant. C'est en tout cas ce que rapporte le quotidien suisse germanophone Blick. Cité donc par le journal, le ministre de la Défense de la Confédération suisse a expliqué que ce dysfonctionnement peut s'expliquer par la géographie du pays. Apparemment, cela fonctionne en pleine, mais en montagne. Lorsque, par exemple, une vache se déplace sur les versants, le radar identifie cet animal comme un objet ennemi. OK. C'est Arma Suisse, l'agence fédérale s'occupant des fournitures pour la défense, qui assure l'intégration de ce matériel acheté par une entreprise qui n'est pas encore identifiée. L'agence a par ailleurs précisé à Blick que tout devait être prêt pour 2016, mais que le dispositif serait désormais opérationnel plutôt en 2020. Ouf, c'est pas tout de suite, hein? Les premiers problèmes ont été identifiés depuis 2013. Le fournisseur a obtenu un délai, mais les premiers tests d'une version modifiée en 2014 ont été un échec. Les Allemands qui utilisent le même système rencontraient aussi des difficultés. La Suisse a signé un contrat de 296 millions en francs suisses. Pour ce matériel, Thomas Hurter, le président de la Commission parlementaire de la sécurité, a confirmé l'information à la tribune de Genève et a expliqué que les radars actuels obsolètes devaient absolument être remplacés. Pour lui, le système est totalement nouveau. Il est normal de devoir faire des ajustements. Il s'agit d'un ennui, mais pour l'instant, ce n'est pas une catastrophe. En tout cas, il est très, très sensible, mais comme j'ai dit, pas nécessairement performant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. C'est Charles-Antoine Rioux que voici avec la chronique du Club plein air UQTR. Alors, ce beau mercredi matin très chaud de printemps. T'es prêt à descendre une pente pareille? Ouais, en slush. En slush. Oh, nous voilà arrivés en bas de la côte. Salut. Déjà? Ouais. C'est une petite colline. C'est une côtelette de porc. À fondu. Voilà, c'est peut-être ça. Bref, on parle de plein air comme ça quand on se rencontre. Et c'est quoi ton sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un peu, en fait, un parallèle avec la semaine dernière, pas il y a deux semaines, mais il y a un mois quand on s'est vu la dernière fois. OK, oui, c'est vrai. On parlait de comment bien gérer sa chaleur, comment se réchauffer à l'extérieur. Uh-huh. Alors, on parlait du nous dans l'environnement. Oui. Là, on va parler de l'environnement par rapport au nous. Okay. On va faire un petit peu de météo ce matin. C'est surtout, en fait, avec. C'est un peu sarcastique quand je dis qu'on a un beau mercredi matin très chaud parce qu'il fait vraiment très froid dehors. OK. C'est drôle comment à 7h30, 7h15, quand j'arrive, il fait rarement très froid. Je suis même très bien. Puis je me dis, waouh, mais quelle belle journée. Puis après ça, on arrive au bureau. Il est rendu peut-être, il est quoi, 8h15 à peu près. Puis là, tout le monde me dit, on gèle. Puis quand je m'en vais à la fin de la journée, on gèle vraiment beaucoup. Le matin, je m'attendrais à de la température plus froide. Et le midi, quand il fait plus soleil, plus chaud. Hein? Ben, t'as en partie raison, Mathieu, parce que c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre avec la météo, c'est que le gros moteur de notre planète, qui est la Terre, le gros... Colette, qu'on appelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas branché. Autre moteur-là, le moteur énergétique, mettons. Tout ce qui a un rapport avec la météo, avec la température, c'est toujours le soleil. Hein? Ouais. Donc, pour qu'il fasse chaud,

Ça, c'est juste que comme l'air, ça ne va pas dans la même direction dans les deux systèmes, mais elle ne tourne pas dans le même sens. Mais ça, ces systèmes-là se chevauchent tout le temps. Fait que si vous voyez que sa carte, il y a un gros A au-dessus d'où est-ce que nous on est, en ouais. Il y a du beau temps, on peut présupposer qu'il y a du beau temps qui va s'en venir parce que ces systèmes-là se succèdent. Okay. Ah. On peut les interpréter comme ça par nous-mêmes aussi. Ouch, ok, là, j'ai mal au cerveau un peu. Là. Donc, c'est beaucoup d'informations, ouais. Hein, c'est ça. Mais toujours pertinent et toujours par le Club plein air QTR, cette information-là qu'on les reçoit. Où est-ce qu'on se renseigne pour les activités à venir? Toujours sur la page Facebook de Club plein air QTR. Okay. Donc, QTR sur Facebook. On est toujours là, on est assez actif. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel, donc qtir@hotmail.fr. Ne vous fiez pas, s'il vous plaît, à l'adresse courriel qui est écrite dans l'agenda, parce qu'elle n'est pas bonne à chaque fois. Ils sont pas très bons dans les copier-coller à l'AGE. Hein? Et activités à venir? Oui, il y en a qui vont s'en venir. On avait une activité de ski de fond, mais on n'a pas laissé assez une inscription, malheureusement. Il faut la reporter, mais elle n'est pas annulée, elle est reportée. OK, absolument, ça va bien, les inscriptions au Club plein air. Oui, quand même, absolument. À cette session-ci, on a quand même pas mal d'inscriptions, pas mal de participation. Beaucoup, pas mal de 50% de destinés étrangers, je pense qu'ils veulent découvrir le Québec peu autre que la ville. C'est très, très bien, mais on a quand même beaucoup de gens aussi de ici. Il va y avoir justement l'activité de ski de fond qu'on va reporter. Et on fait toujours une classique activité d'avant fin de session. Donc, début avril, juste avant le gros rush de fin de session, on va faire une petite sortie d'escalade intérieure avec initiation pour les gens qui veulent nous suivre. Donc, c'est toujours, on a toujours des rabais par rapport au prix régulier avec notre maigre budget cutaire. Hein? Et vous pouvez toujours vous inscrire. C'est ouvert à tous. Génial. Ça, le ski de fond, c'était reporté, je pense, c'était fin avril, début mai, c'est ça? C'était le 11 mars. OK. Mais non, puis on va le reporter plus tard au mois de mars. Donc, OK, OK. Il faut encore qu'il y ait de la neige, ça serait plus facile. Un ski de fond de printemps, c'est dans moins facile. Ouais. Il doit se faire. Il doit se faire des jambes un peu. Ça là. Se fait si tu ne tiens pas trop à tes skis. Jean-Antoine Rioux du Club plein air UQTR, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Je vous envoie ici les voix québécoises de vos vedettes hollywoodiennes préférées. Il y en a que vous connaissez, il y en a que vous le savez déjà, il y en a que vous avez déjà découvert, dire, hein, genre Yves Corbeil, Arnold Schwarzenegger. C'est comme assez dur de ne pas le savoir. Il va se remettre dans le top, mais quand même. Donc, on part tout de suite. Hein. Il n'est pas toujours évident de reconnaître à qui appartient la voix donc, d'un acteur. Mais là, je vous le dis, OK? Donc, Brad Pitt, qui fait sa voix? Eh bien, c'est Alain Zouvi. Hein? Ben oui. On pourrait penser qu'il existe peu de points communs entre Brad Pitt et Alain Zouvi. Pourtant, l'acteur québécois l'a doublé dans au moins 19 films. Danny Trejo. Si vous ne savez pas c'est qui Danny Trejo, là, c'est Machete. Machete, sa voix, c'est qui? Eh bien, c'est le papa de Xavier Dolan, Manuel Tadros. Ben oui, même s'il n'a pas vraiment le physique de l'emploi, c'est Manuel Tadros qui prête sa voix à Danny Trejo, qui est mieux connu sous le nom de Machete. Qui fait la voix de Jim Carrey? Je vous le donne en mille. Lui, ça marche. Les deux hommes possèdent un brin de folie. C'était une excellente idée d'engager Marc Labrèche pour doubler Jim Carrey dans Ace Ventura Pet Detective. Et puis c'est pour ça que c'est bon, hein? Parce que la traduction est bien faite par un artiste de calibre. Pour Harry Potter, eh bien c'est Émile Mayotte. Émile Mayotte, on l'a vu quelques fois, mais je pourrais pas vous dire dans quoi, mais il y a une petite face, une petite bouille qu'on connaît. Peut-être que son nom vous dit rien, mais vous connaissez sûrement sa voix puisqu'il double Daniel Radcliffe dans tous les films de la franchise d'Harry Potter. Tom Cruise, eh bien, qui fait sa voix? Eh bien, c'est Gilbert Lachance. On se souvient de sa participation à Chambre en ville, mais depuis, Gilbert Lachance est devenu la voix officielle de Tom Cruise avec 11 films à son actif. Là, je viens de voir pourquoi je le reconnaissais. Ben oui, toi, Gilbert Lachance, c'était le gars dans Chambre en ville. Et puis, ben c'est ça. Et c'est pour ça qu'on le voit pas. Souvent, les voix comme ça vont être officielles et comme ils ont comme un tag, toi, ben c'est toute la carrière de Tom Cruise, ça va être ta voix. Et puis, c'est le fun parce que ça fait des voix qu'on garde et puis qu'on est habitué à entendre et puis qu'on peut reconnaître. Et puis, ça fond mieux ensemble, tu sais, quand le personnage garde toujours la même voix. Y a-tu de quoi de pire qu'une série qui, durant le cours, mettons, d'une saison à l'autre, les voix changent? Sérieux, tu veux lâcher la série, ça te tente plus de l'écouter. Ben, ou tu l'écoutes en version originale, bien sûr. La voix de Saddam Hussein, assez bien double d'habitude. Vous allez voir, c'est parce que ça me fait rire, parce que la voix de Saddam Hussein, c'est dans quoi qu'on l'a entendu? Eh bien, je vous le dis, c'est dans South Park. Ben oui, dans le fameux film Bigger, Longer and Uncut. Eh bien, c'est la voix de Luis de Cespedes. Il double surtout des acteurs d'habitude latins, dont Antonio Banderas, mais aussi la voix de Saddam Hussein dans le film, justement, Bigger, Longer and Uncut. Film pas trop pour enfants, même si c'est un petit bonhomme, hein? La voix de Capitaine America, eh bien, c'est le jeune Alexandre Fortin. Dans la traduction des Avengers et des deux films le mettant en vedette, c'est l'acteur Alexandre Fortin que revient l'honneur de doubler Capitaine America. Ça brouille, me dit rien, je ne l'ai jamais vu dans rien, mais c'est un jeune. Ben, comme finalement, le comédien qui joue Capitaine America, c'est quand même pas un vieux, là, c'est un jeune. La charmante Lucy Liu, qu'on a vue dans, entre autres, Kill Bill, eh bien, est doublée par la belle Anne Dorval. Bien oui, bien connue du public, c'est l'actrice Anne Dorval qui est l'interprète officielle de Lucy Liu en français, la doublant dans plus de 10 films, dont Chicago, Lucky Number 7 et Kill Bill. Ah, moi, ça, sérieux, celle-là, là, je m'en doutais pas, mais pas en tout, mais je trouve que ça marche... vraiment bien. Et puis, celle-là aussi, c'est l'interprète officielle. Quand ils ont besoin de Lucy Liu en français, c'est Anne Dorval qu'on appelle. Pour Optimus Prime, avec une voix électrique, eh bien, on prend le célèbre et talentueux, vraiment, homme de théâtre, Guy Nadon. On n'associe pas spontanément Guy Nadon et les Transformers. Pourtant, l'homme de théâtre est la voix d'Optimus Prime dans tous les films de la série. Qui est-ce qui fait la voix de Sylvester Stallone? Eh bien, c'est Pierre Chagnon. Si son nom vous dit rien, eh bien, c'est clair que vous avez une idée. Si vous le voyez, son visage, je peux pas vous dire dans quoi qu'il a joué, là. Mais il a joué dans 1 million de cossins au Québec, ça c'est sûr. Donc, Sylvester Stallone est réputé pour mâcher ses mots. Ce n'est pas le cas de Pierre Chagnon. Le comédien à la diction parfaite a le double dans plus d'une vingtaine de films. Sérieusement, celle-là, non, je ne l'aurais jamais deviné. Et puis c'est vrai, il y a vraiment une voix très posée de monsieur, vraiment. Pierre Chagnon, cliquez ça dans Google. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est lui qui fait la voix de Sylvester Stallone. Sérieux, c'est assez peu probable. Pita Melhark, que je ne connais pas pantoute. Ah, je pense qu'il était dans Hunger Games. Ah, c'est ça. Xavier est doublé par Xavier Dolan. Donc, surtout connu comme cinéaste, on peut entendre Xavier Dolan dans plusieurs films, dont dans The Hunger Games, où il prête sa voix au personnage de Pita Melhark. Oh, Jean-Louis Millette, cet homme de théâtre. Eh bien, vous ne devinerez jamais, il fait la voix de qui? Eh bien, dans la traduction québécoise du 2e, 3e et 4e opus de la série Child Play, ou si vous aimez mieux Chucky, eh bien, c'est Jean-Louis Millette qui fait la voix de la célèbre poupée meurtrière. C'est hallucinant, ça, c'est vraiment peu probable. Saviez-vous que Jodie Foster, hein, eh bien, elle est parfaitement bilingue. Jodie Foster est l'une des rares comédiennes qui se double elle-même autant en français qu'en anglais. Ben, elle se double pas en anglais, mais vous comprenez, dans la majorité de ses films, à l'exception du film Le silence des agneaux. Sinon, dans tous les autres films, Jodie Foster s'est doublée elle-même. Celle-là, vous allez aimer ça. On aime ça. Tommy Chong, hein, dans la superbe série des traductions, oui, des films de Cheech et Chong. Eh bien, dans les traductions plus que québécoises des films Cheech et Chong, on peut reconnaître la voix de Raymond Cloutier derrière les lunettes rondes et la barbe du vieux poteux de Chong. Ça marche, et puis ça, c'est correct. Un autre qui marche, qui a le physique, et puis que vraiment, on peut pas dire que c'est pas lui, là, c'est le fameux Mace Windu dans Star Wars. Eh bien, lui est doublé par James Hyman, deux gars au crâne bien dégarni. On remarque donc une certaine ressemblance entre Mace Windu, joué par Samuel L. Jackson, et James Hyman, qui le double dans les épisodes 2 et 3 de Star Wars. Ça marche et ça fonctionne. Vraiment, ça colle. Puis en plus, c'est que c'est des comédiens de très grand talent. Ils font pas seulement traduire, ils jouent le personnage. Moi, c'est ce que j'aime. Puis c'est pour ça qu'il y a certaines traductions francophones, la plupart, surtout quand elles sont faites au Québec, vraiment, c'est de la qualité. Là. Comparé aux traductions françaises de France, ça fait dur, souvent. Et finalement, il y en a encore quelques-uns. Arnold Schwarzenegger, eh bien, je vous l'avais dit tantôt, vous l'avez déjà reconnu, c'est sûr, plusieurs acteurs d'ici ont prêté leur voix à Schwarzenegger au travers des années, mais la palme revient bien sûr à Yves Corbeil, qui a doublé le Governator à plus de 8 reprises. La Schtroumpfette, dans le second film des Schtroumpfs, paru en 2013, eh bien, c'est la chanteuse Marie-Mée qui remplace Katy Perry dans le rôle de la Schtroumpfette, parce que Katy Perry prêtait sa voix en anglais. Simon Pegg, qui est dans les deux derniers Star Trek de J.J. Abrams, eh bien, et... attends un peu. C'est Simon Pegg, oui, est doublé. Simon Pegg, dans le fond, qui interprète Scotty dans Star Wars. Eh bien, il est doublé par Frédéric Desager, qu'on voit surtout à la télé ces jours-ci. Il a fait beaucoup de trucs pour enfants, beaucoup de trucs particuliers. Vraiment un homme rempli de talent. Et même lui, je trouve que son visage ressemble un peu rouquin. Ça marche. Qui fait la voix de Scooby-Doo? Eh bien, c'est Pierre Verville. Réputé pour ses talents d'imitateur, Pierre Verville s'est également amusé en doublant Scooby-Doo dans la traduction québécoise des deux derniers longs-métrages de cette franchise. On a notre fameux Paul Newman national qui est doublé par Benoît Marleau. Benoît Marleau, c'est lui aussi qui donnait la voix à Mo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mo. Et Benoît Marleau jouait dans Chez Denise dans le temps. C'est-tu, hein? On ne pourra jamais oublier la performance de Benoît Marleau dans la version très jouale de Slapshot et surtout tous les sacres qu'il a mis dans la bouche de Paul Newman. Et c'est pour ça que c'est devenu un film culte, Slapshot, hein? Pour vrai. Sinon, ici, la ville de Walking Dead est à vendre, mes amis. Donc, vous avez environ 800 000 $ en trop. Vous pourriez acheter une cinquantaine de montres Apple Watch édition or, ou bien vous pourriez vous payer le centre-ville de Grantville, en Géorgie, lieu de tournage de cette célèbre série. Une bien drôle de campagne sur eBay tente actuellement de vendre 90% du centre-ville de Grantville pour une superficie totale de 34 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et résidentiels. Quelques 45% des locaux sont loués en ce moment, mais la réelle valeur de la propriété consiste en sa popularité auprès des cinéastes et des réalisateurs de la télésérie, dont The Walking Dead. Donc, paraît-il que c'est très payant de louer sa ville à des cinéastes américains, même ceux qui cassent tout. Et le tourisme cinématographique n'est pas à dédaigner non plus, puisque des gens d'un peu partout sur la planète sont prêts à dépenser des fortunes pour visiter les lieux de tournage de leur production favorite. Et puis moi, sérieux, cette ville-là, là, on l'a vu dans un million d'autres films. Il me semble, quand on la regarde, c'est vraiment la ville, la petite ville de banlieue, entre villages et villes américaines, sérieusement. Si vous êtes intéressé, oui, il vous reste environ 2 semaines pour répondre à l'appel des propositions. Notez cependant que l'annonce sur eBay prend bien soin de spécifier que si vous achetez Grantville, votre nouveau joujou ne pourra pas être livré au Canada. Le contraire, avouons-le, aurait été un peu surprenant et même absolument fantastique. Vraiment, assez hallucinant de s'acheter une ville comme ça. Mesdames, eh bien oui, un vibrateur interne pour votre santé. Selon la légende, le vibrateur aurait été inventé au 19e siècle par des médecins qui n'en pouvaient plus de soigner leurs patientes à coups de massages pelviens manuels, c'est-à-dire des séances de masturbation données par les médecins. Et c'est vrai, hein? Des séances de masturbation qui n'étaient cependant pas reconnues comme telles à l'époque, évidemment. Ben oui, c'était de l'hystérie féminine qu'on appelait ça. Alors que le médecin, pour vous calmer, ben il vous jouait avec le bonbon. C'est donc dire que l'association entre le vibrateur et la santé remonte à loin. Et voilà donc une entreprise montréalaise qui tente à nouveau de joindre l'utile à l'agréable avec un nouveau vibrateur interne social. Il s'appelle Miss On The Go. Il est conçu pour être porté à l'intérieur du vagin et contrôlé par une application mobile. Outre le pur plaisir, il présente l'avantage de permettre à sa porteuse de réaliser certains exercices pelviens qui raffermissent, aident à la récupération après l'accouchement et préviennent de l'incontinence. Mais on présume que le pur plaisir aussi, hein, justifiera la plupart des achats des madames. D'autant plus que les aventurières... vous allez voir, c'est pour ça que je suis un peu tombé en bas de ma chaise. D'autant plus que pour les aventurières, l'application Miss On The Go se transforme en réseau social. Vous pouvez donc choisir qui aura le contrôle de votre appareil ou même de jouer avec un partenaire anonyme. OK. La campagne de financement Indiegogo de Miss On The Go se termine dans quelques jours. Le produit devrait être disponible dès le mois de mai. Ben oui, hein? Donc, tu vas avoir plein de petites madames qui peuvent avoir ça à peu près à tout moment dans le... Et puis qui s'amusent, et puis qu'elle veut que ce soit des amis qui ou des amis ou des inconnus, encore plus coquines, qui s'amusent à la faire vibrer. Ben oui, c'est de même. Et puis tiens, tant qu'à avoir été s'acheter une ville, la ville de Walking Dead, eh bien, pourquoi pas vous envoyer le top 20 des décors de cinéma abandonnés qu'on peut toujours visiter. Alors, on va y aller assez rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est quoi? C'est le top 20, justement. Donc, premièrement, vous pouvez visiter, puis ça, je vous l'avais déjà dit, ben, il y en a qui se sont ajoutés. Vous pouvez visiter Star Wars Tatooine. Eh bien, oui, les scènes ont été tournées dans le désert tunisien de Nefta et les décors sont encore retenus, entretenus par l'Office de tourisme. Mais là, il y avait des problèmes là-dessus et puis ils ne savaient pas si c'était pour se défaire. Mais et moi, je vous le dis, gardez ça en état. Sinon, dans le film « Pirates des Caraïbes », vous pouvez visiter Port-Royal, le village de Wally Balou dans les Caraïbes. Vraiment, c'est magnifique. Tout est là, hein? Tout est là. Même les pendus, les pirates qui sont pendus sont encore pendus et attendent que des visiteurs viennent les photographier. Sinon, le district 12 dans la célèbre série « Hunger Games », c'est le village abandonné d'Henry River en Caroline du Nord qui a accueilli les équipes de tournage du film. Celui-là, moi, c'est un des plus intéressants. Vous pouvez visiter La Comté dans cette ville rurale de Matamata en Nouvelle-Zélande. Les décors font maintenant office d'attraction touristique. Ben oui, vous pouvez visiter la Comté du Seigneur des Anneaux avec les maisons donc qui sont enterrées. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Ça me surprendrait. Ça doit être juste du décor, mais quand même, la place est vraiment prête à vous faire rêver. C'est magnifique. La liste de Schindler, le camp de concentration de Płaszów. Donc, il s'agit en fait d'une réplique des vestiges du camp qui subsiste toujours à Cracovie. Vous pouvez aussi visiter Augsburg du film Hansel et Gretel, The Witch Hunter. Les restes des décors ont été laissés à l'abandon et peuvent se faire visiter en Allemagne à quelques kilomètres de Berlin, à Berlin. Sinon, la Passion du Christ et Cléopâtre qui ont été tournés dans la ville de Rome. Les Cinecittà Studios à l'extérieur de Rome ont servi de lieu de tournage à ces deux films et ils sont ouverts, semble-t-il, au public. Dans le film Les Blues Brothers, eh bien, il y a une poursuite dans le centre commercial. Cette scène culte a été tournée au Dixie Square Malls à Harveys dans l'Illinois. Le centre commercial était déjà abandonné à l'époque du tournage du film. Imaginez aujourd'hui. Le Vietnam dans Full Metal Jacket, eh bien, en réalité, le film a été entièrement tourné à Londres. L'usine à gaz abandonnée de Becton a servi la plupart des scènes du film dans les plus. Pardon, les plupart des scènes de bataille dans ce film. Vous pouvez visiter aussi Gotham City de Batman, celui de 1989. Après le tournage, la ville de Gotham a été laissée à l'abandon. Le site qui se trouvait à Buckinghamshire, en Angleterre, a depuis été détruit. Mais pendant un temps, on pouvait y visiter la planque et les tunnels et la maison de Batman. Township Lone Star, cette ville fantôme de Contrabando au Texas a servi pour le tournage de Lone Star. Les Abysses, le film Abyss, eh bien, le sous-marin, les restes de la centrale nucléaire Cherokee à Gaffney, en Caroline du Nord, qui ont été utilisés pour filmer des scènes se déroulant sous l'eau. L'immense structure était alors remplie d'eau. C'est un immense bassin, vraiment, assez gigantesque. Le village de Popeye, donc pour le film Popeye, le village situé sur l'île de Malte, a été spécialement conçu pour le film. Mais il n'est pas encore sorti, là, Popeye, hein? Il me semble que non, en tout cas, c'est à la veille de sortir, ça. Mais vraiment, le village fait vraiment Popeye, pareil comme dans les dessins animés. Sinon, le film Le Patriote, ou en français Le Chemin de la Liberté, de Patriot, la mission espagnole, eh bien, le décor abandonné de l'avant-poste religieux se trouve toujours en Caroline du Sud. La station à essence dans la colline à des yeux, construite spécialement pour le film, la station d'essence délabrée, se trouve à Sousmassa Dra au Maroc. Ça avait l'air presque américain, je trouve. Dans le film Big Fish, la ville de Spectre, eh bien, la ville a été laissée à l'abandon après le tournage et on peut encore visiter Montgomery en Alabama. Donc, c'était la ville de Spectre dans Big Fish. C'est magnifique, pour vrai, je sais pas si vous vous rappelez de Big Fish, mais c'était comme juste des maisons, puis au bout de l'allée, il y avait une église, là.

Maudit Fallon Gang. Après ça, ils vont se partir un talk show avec Jimmy Fallon Gang. Genre. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la Chine communiste veut interdire tout mouvement qui pourrait créer compétition avec la Grande République communiste, socialiste, on peut dire populaire de Chine. Donc, pour revenir au sujet du Dalai Lama, si finalement il veut pas se réincarner, c'est parce qu'il veut pas donner cette fonction-là entre les mains des décideurs chinois qui pourraient tout simplement soumettre le peuple tibétain devant un pantin en disant « Nous avons nommé un nouveau Dalai Lama. Nous acceptons qu'il reste au Tibet auprès de vous. Il aura tous les pouvoirs politiques, spirituels. Mais maintenant, écoutez-le. Et nécessairement, ben, si vous l'écoutez, c'est nous qui parlons à sa place. Donc, vous allez devenir de parfaits petits communistes. Oh, mais là, faut pas qu'il meure. Non, il est pas si vieux que ça. Là. Il est plus jeune que le pape François. Là. Tous les papes sont plus vieux que tout le monde. En fait. Ils sont tout le temps vieux, les papes. Ils choisissent vieux. Ouais. Ben, faut peut-être l'expérience. Ben, c'est ça. La vieillesse réincarnée. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est ça. De toute façon, on va se retrouver avec un Dalai Lama de 2 ans, là, pouvoir politique. Il fera pas des belles conférences un petit peu partout sur la Terre. Ils ont dit qu'ils suivent une formation jusqu'à genre l'âge de 18-19 ans où ils deviennent véritablement en pouvoir. Parce qu'on s'entend à 2 ans, t'es même pas propre. Non, c'est ça. Le Dalai Lama, justement, je vous dis, il est né en 35. Il a seulement eu le pouvoir en 1950-51. Donc, c'est arrivé à peu près pas mal en même temps que les invasions chinoises. Et il avait 15 ans, donc t'as pas totalement tout ton jugement non plus, là, tout ton leadership, même si tu as été préparé toute ta vie à ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, voilà pour le Dalai Lama. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est un sujet intéressant, moins compliqué que j'aurais pensé, celui-là, parce que bon, ça reste n'importe quoi, on s'entend, pour nous autres. Là. Mais je suis éclairé maintenant. Donc, qui vivra, Dalai verra. Oh, c'est ça. Ben, je l'avais assez noté, je trouve. Ah, t'es meilleur dans le jeu de mots. Hein. Je l'ai noté, là. Justement, en écoutant, en les notant, je t'écoute moins, mais je t'écoute pareil, puis je vais t'écouter plus la prochaine Denzel fois. Denzel Washington, c'est le meilleur. Denzel Washington. Denzel. Merci, Laurent Constantin. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. À la prochaine fois qu'on se verra. À la prochaine fois. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30. Et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Les in et les out de 2015. Ben oui, malheureusement, les selfies ont encore plus la cote. On est déçus, mais c'est de même. Barack Obama l'a fait, le plus populaire est celui de Ellen DeGeneres aux Oscars de 2014. Et Kim Kardashian en est la reine incontestée, qu'elle soit vêtue ou non, hein, derrière ses fesses ou non. Prendre un égo-portrait est encore plus in cette année, selon un sondage Léger Marketing sur les tendances de 2015 au Québec. Facebook, Twitter, Instagram sont toujours aussi populaires et il faut avouer que sans eux, le selfie n'aurait jamais pris autant d'ampleur. Pour suivre cette tendance, des compagnies ont créé le selfie stick, appelé perche à égo-portrait en français. L'objet a la cote partout dans le monde, même que dans certains endroits comme les musées, la perche est désormais interdite pour protéger les œuvres d'art. Et puis, peut-être, ça va empêcher quelques égo-portraits. Je trouve ça ridicule. Sérieusement, là, ils ont inventé des perches à égo-portraits. Moi, sérieux, le selfie, là, on en a vu. Au Québec, la demande en forte croissance, la forte croissance de la perche, là. On s'attend que ce soit un item encore plus prisé pour la période des fêtes de 2015, souligne Thierry Lopez, porte-parole de chez Best Buy Canada. Les modèles se vendent entre 9 et 100 $ selon les caractéristiques de la fameuse perche inutile. Premièrement, cuisiner, c'est in. Alors, ben, ça fait longtemps que je suis in, hein? Ça fait vraiment longtemps. Être un foodies est encore aussi tendance en 2015 que par les années passées. La preuve, les émissions de cuisine ont la cote toujours à la télévision et sur le web. Trônant au premier et deuxième rang du sondage, préparer des petits plats et acheter local sont devenus communs chez les baby-boomers et la jeune génération. Pour le chef Jonathan Garnier, propriétaire de la Guilde culinaire, il est clair que les cours et les livres de cuisine sont devenus très in. Ben, puis une chance. Puis j'espère que cuisiner sera jamais out. Parce que si on se remet à manger de la Ou en tout cas, il n'a pas pensé jamais à l'achat local et aux petits plats intéressants avec remplis d'amour, ben, je pense qu'on va avoir un gros problème. Quand cuisiner va être out, ça va être grave. Les gens veulent alterner et diversifier leur repas, explique le chef, qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Nous avons reçu plus de 10 000 clients l'an dernier dans tous nos cours. On n'utilise que des produits québécois. Le bronzage, ben ça, on le savait, puis moi, ça fait longtemps que je le dis. Eh bien, le bronzage, les amis, c'est out. Par ailleurs, fini le teint trop bronzant en plein hiver. Les jaunes-orange, les madames jaunes-orange, là, passez-vous un coup de débarbouillette d'en face, puis laissez faire la terre solaire, puis le bronzant, l'auto-bronzant, là, ça n'a pas la cote. Donc, il faut maintenant accepter son teint verdâtre blanc. Interdit au moins de 12 ans depuis 2013, les salons de bronzage ont perdu leur popularité. Et c'est tant mieux. Une des bonnes nouvelles de ce top à date. 1000 personnes au Québec ont répondu au sondage Internet. Les 50 tendances ont été choisies par Léger Marketing et l'échantillon a été réalisé du 9 au 11 mars et a été pondéré selon le sexe, l'âge, la région ainsi que la langue d'usage. Donc, êtes-vous in, êtes-vous out? Ce qui est in, cuisiner, acheter local, écouter des séries télé. À date, je suis pas mal in. Boire du café, non mais gars, ça non, je suis out complètement. Aller au gym, je suis out complètement. L'auto électrique, pas les moyens, mais effectivement, ça m'intéresse. Facebook est encore in. Le hockey est encore in. Boire du thé, toujours aussi in. Faire du jogging, malheureusement, non, ça, je suis pas in, mais oui, c'est in encore. Même manger des sushis, me semble que moi, c'était pas ces dates. Là, manger des sushis, c'est tellement 2005. Aller au spa, c'est encore in. Manger bio, c'est toujours in. Boire de la bière, c'est toujours in. Donc, on est vraiment in dans le dîner de cons parce que on a notre chronique dans quelques minutes. Suivre des cours de yoga, c'est in. Bon, ben, je suis pas des cours, j'en fais. J'ai pas besoin d'en suivre des cours. Moi, je comprends pas pour vrai suivre des cours de yoga. OK? Ça, c'est vraiment quand t'as besoin d'être avec du monde pour te motiver. Parce qu'il y a rien de plus facile puis niaiseux qu'aller sur Internet puis te mettre un YouTube de yoga qui va tout te dire les mêmes affaires qu'un prof. Sérieux, vous payez vraiment pour rien ou c'est vraiment pour le côté social? Ben là, ça, c'est une autre histoire. Twitter, toujours in. Aller au cinéma, c'est toujours in. Faire du snowboard, donc il faut que je retrouve... Pas je retrouve, il faut que je ressorte ma planche. Il faut que je me remette sur ma planche à snow. Les dosettes à café, Colin, c'est encore in, mais je comprends pas, moi, ça. Les gens veulent acheter bio, acheter local, manger bien, faire attention, mais ils vont se pogner des dosettes en plastique à café. Comprends pas. Jouer aux jeux vidéo, c'est toujours bien in. Donc, j'ai recommencé à être in. Je me suis remis à Grand Theft Auto depuis quelques jours. Porter des bijoux, c'est in. Ça, ben non, c'est pas moi. Se teindre les cheveux, c'est in. Faudrait peut-être que je le fasse. Manger de la viande, ça, ben je suis comme une mascotte de tout ça. Instagram, ben, je l'utilise pas. Mais c'est in. Faire des égoportraits, c'est toujours in. Faire du CrossFit, c'est toujours in. Manifester, c'est toujours in. Enfin, parce que là, avec les syndicats frileux qui ont abandonné les étudiants, il faut que ça soit in. Manifester. Avoir un tatouage, malheureusement, c'est... Non, c'est pas vrai. Pas malheureusement, mais il me semble que ça fait longtemps que les tatous, c'est à la mode. Hein? Être végétarien aussi. Porter un sac à dos aussi, c'est in. La vapoteuse, donc les cigarettes électroniques, c'est in. Et faire de l'aérobie, moi je vous dirais, c'est le Zumba qui est in, non? Donc, ce qui est neutre, hein, ce qui n'est pas in ni out, eh bien, c'est jouer au golf. C'est pas in, c'est pas out. Avoir une barbe, ça veut dire tous les hommes âgés entre... Ben, de l'âge que tu peux avoir une barbe jusqu'à 35 ans, eh bien, vous êtes neutre. Et puis, je vous le dis, d'ici un an ou deux, la barbe va être très, très out. Parce qu'il y en a ben trop. Ce qui est neutre aussi, le bixi. Ça fait longtemps, hein, c'est pas in pantoute. Porter des talons hauts, neutre. Jouer au poker. Ça aussi, moi, je te dirais que ça commence à être out. Là, parce que ça fait un bout, la mode du poker. Et avoir un drone, c'est neutre. C'est bof, tiens, hein. Maintenant, on embarque dans le out. Et là, ben, c'est pas pire parce qu'il y a beaucoup plus de in que de out. C'est ce que moi je trouve intéressant. Il y a 32 in, il y a 6 neutres et puis il y a seulement 12 out. Donc, aller au salon de bronzage, ça, on l'a dit tantôt, être jaune-orange, c'est pas en mode puis personne ne trouve ça beau. À part que, tu sais, je veux dire, si t'es toujours dehors puis tout ça, mais là, c'est pas pareil. Hein, si tu reviens du sud, mais aller au salon de bronzage, Non. Fumer le cigare? Non, c'est fini. Avoir une moustache, donc la fameuse Movember, là. C'est out, là, les hipsters avec vos moustaches. On a passé. Le Botox, eh ben, hein, ça, on le sait aussi, c'est out. Porter un string, là, tu sais, la petite fille de 12 ans qui nous montre son string, pas nécessaire. Avoir un piercing non plus. Hey, check, mon piercing, c'est infecté. Check, check, tu vois? Non, c'est pas in, c'est out. Porter la cravate, out. Ah ouais, c'est va-t'en. Chirurgie esthétique, out, complètement. Se marier, ah ouais, on s'en va. Celle-là, boire du scotch, hein? C'est out, boire du scotch. Il me semble que moi, je trouve que ça fait encore... ça le fait. Mais de ce temps-ci, c'est encore depuis même, je dirais, 6, 7 ans, 5 ans, c'est les cocktails. Les cocktails sont très, très à la mode. On a justement des mixologues, on en a rencontré ici. Au temps d'une pinte, ils ont leur mixologue attitré. C'est tout, ça, c'est à la mode. Boire des shooters. Shooter, donc les recettes pompettes, c'est out. Ben pas les recettes pompettes, mais les shooters. Faudrait que Eric Salvaille change justement avec le fait avec Legault là, qui aille pour le vin ou les cocktails ou pour le champagne. C'est avec le champagne. Et finalement, puis ça fait combien d'années que c'est out? Puis regardez autour de vous, il y en a encore plein de clowns avec leurs casquettes. Porter une casquette, les amis, c'est out. Fini. Non, mais tu sais, c'est comme ça. Donc on était dans nos in et dans nos out. J'aime bien. Et tiens, on va aller avec un autre article ici que j'adore. 2,5 millions d'euros pour une œuvre d'art IKEA dans un musée. Eh bien oui, qu'est-ce que l'art? Un jeune Suédois a officiellement relancé le débat en partageant sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il installe un tableau de la chaîne IKEA. Donc, un tableau tout à fait générique dans un musée. Les visiteurs et amateurs d'art de l'endroit n'y voient que du feu. Lorsque le jeune homme demande aux gens comment ils interprètent le tableau, eh bien, ceux-ci se lancent dans le lourd d'explications. C'est une illustration du chaos de son esprit. C'est un artiste qui peut mettre ses émotions dans ses peintures, ajoute-t-il. L'artiste Ike... Andrew IKEA. IKEA, Ike. Ah, OK, ils l'ont appelé Ike Andrew. OK. Ike, son prénom, Andrews, son nom de famille, est visiblement bien apprécié par des amateurs d'art. De plus, lorsque le jeune homme demande aux visiteurs du musée combien il paierait pour une telle œuvre, les prix vont jusqu'à 2,5 millions d'euros. Le débat sur la définition de l'art avait d'abord été lancé par Duchamp en 1917. Alors que ce dernier avait mis, on se rappelle, une cuvette de toilette dans un musée. Il avait proclamé qu'il s'agissait là d'une œuvre d'art. Et ben oui, vraiment, ça, c'est des genres de petites expériences à faire. Et on rit un peu du monde dans ce temps-là. Puis c'est toujours bien sympathique, je trouve. Et tiens, une autre petite sympathique ici. Comment faire des dumplings en moins de 3 secondes? Et ben oui, voici une belle japoniaiserie, comme on dit, la japoniaiserie de la semaine. Une vraie pub virale de NTT Docomo, qui est l'un des principaux fournisseurs de services cellulaires du Japon, dans laquelle des scientifiques semblent se concocter un canon qui fabrique des dumplings en quelques secondes. Donc, admirez l'auto-assemblage en plein vol de la boule de viande dans une pâte tendue comme la peau d'un tambour. Le nuage d'épices propulsé dans les airs juste au bon moment, le lance-flamme presque convaincant et la joie robotique du bonhomme qui chronomètre l'opération. Et surtout, si vous lisez ceci au bureau, enfilez vos écouteurs et montez le volume car vous ne voulez pas manquer la musique surréaliste qui accompagne ce clip. Allez voir, c'est vraiment explosif! Pour vrai, c'est le cas de le dire. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. On a du plaisir au Dôme cette semaine. Tout ça, c'est des activités comme parascolaires, vraiment, aussi, des activités divertissantes. Et on en parle dans la chronique « Le loisir bien plus qu'un jeu ». C'est

Ah, bon, on a mis carte sur table, cette chronique-là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Marie-Laure. Bonne journée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va commencer, tiens, ici, avec l'Inde. Trop mauvais en calcul, la dame refuse de l'épouser. Ah bon? OK, on va aller voir plus de détails. Qu'est-ce qu'il y en a avec ça? Donc, voilà qui pourrait donner bien des idées aux jeunes femmes qui, au dernier moment, hésitent à se faire passer la bague au doigt. C'est une jeune Indienne, future mariée, qui a refusé mercredi dernier d'épouser son promis après que le jeune homme s'est montré incapable de résoudre un problème élémentaire d'arithmétique. Les beaux-parents du futur époux qui soupçonnaient son mauvais niveau d'éducation ont finalement décidé de le soumettre à un test de mathématiques. Il s'est révélé probant. Il s'est fait demander 15 plus 6 égale, puis il ne savait pas. 15 plus 6, 21. Donc, en effet, selon la police de l'État d'Uttar Pradesh, où la cérémonie devrait être célébrée, le futur époux a échoué en additionnant 15 plus 6. La jeune femme a renoncé à ses noces. Tu sais, c'était un cave, finalement, le gars. Fait que, ça avait une bonne raison de dire non. La jeune femme a renoncé à ses noces dans la foulée, abandonnant le conjoint et festivité en dépit des appels des parents de son compagnon, resté pantois au vu des circonstances. J'espère. Dès qu'elle a su que l'homme était sans éducation, elle a refusé de se marier. C'est ce qu'a rapporté Indush Hassan, un policier à l'agence France Presse. Le père de la mariée remonté s'est quant à lui fendu du commentaire suivant. Même un jeune élève peut répondre à cette question. Cette situation était très embarrassante pour nous parce que nous avions tout préparé et le prestige social était vraiment en jeu. Mais en Inde, c'est ça, hein, les apparences puis souvent des mariages arrangés. Nous avons tous été floués, à commencer par ma fille. Les autorités ont été dans l'obligation d'intervenir à la demande des convives pour éviter que les familles n'en viennent au coup afin qu'elles se restituent cadeaux, argent liquide et bijoux échangés en vue du mariage, comme le veut la tradition indienne. En Inde, bon nombre d'unions sont encore arrangées aujourd'hui et les futurs époux se connaissent à peine lorsqu'ils se jurent un amour éternel. Parfois, la déception est au rendez-vous. Je pense que c'est une bonne astuce, hein? En plus, 15 plus 6, tu sais, même 15 moins 6, me semble que ça aurait été déjà un peu plus compliqué. Me semble des plus, il n'y a rien de plus facile. Et finalement, on va se faire une petite nouvelle ici, puis qui a rapport, oui, à la bière, juste avant d'aller rejoindre Alex. Donc, c'est 1,2 million de litres de bière qui ont été oubliés à l'Oktoberfest. Qu'est-ce que c'est? Pour donner une image plus respectable à la fête de la bière, les autorités de Munich auraient sciemment sous-estimé le volume de bière qui a été consommé. Donc, imaginez une piscine de 25 mètres remplie de bière. C'est le volume de boisson que les organisateurs de l'Oktoberfest à Munich ont oublié d'enregistrer dans leur bilan annuel des ripailles les plus impressionnantes d'Allemagne. Officiellement, 6,5 millions de litres de Hells, une bière blonde appréciée en Bavière, ont été descendus du 20 septembre au 5 octobre dernier sous les énormes tentes plantées sur la Terrenzweise, un ancien pré aujourd'hui recouvert de bitume qui abrite depuis 1810 ce festival qui célèbre le mariage de la princesse Thérèse von Sachsen-Heiden-Gorsen, quelque chose du genre, et le prince Ludwig de Bavière. Ce chiffre peut paraître impressionnant, mais il ne faut pas oublier que 6,3 millions de personnes se sont rendues l'an dernier à l'Oktoberfest. Les serveuses au bustier pigeonnant proposent en outre l'exclusivité des MAB de 1 litre. Quand on voit la descente des Munichois, on a ainsi du mal à croire que la consommation moyenne dépasse à peine un verre par visiteur. L'ancienne patronne de la Weizen, quelque chose du genre, là, l'autre nom de cette fête qui dure un peu plus de 2 semaines, Gabrielle, excuse mon allemand, n'est pas tellement fort, là, la Wedge-Paul, a toujours douté de ces chiffres que lui fournissaient les propriétaires des tentes, comme elle l'a expliqué au quotidien, le Moniker Mercure. Eh bien, des données récupérées par le journal bavarois montrent en réalité que c'est plutôt 7,7 millions de litres de bière qui ont été bu en 2014, soit 1,2 million de bières de plus qu'annoncé. Pour se dédouaner, les brasseurs donc expliquent que leurs chiffres sont inférieurs à la réalité, car la mairie de la ville qui gère l'Oktoberfest leur demande de publier des statistiques bien avant la fermeture du festival. Mais cette excuse ne tient pas la route, puisque la plupart des tentes sont aujourd'hui équipées d'appareils électriques qui permettent de comptabiliser en temps réel le volume consommé de boissons. Deux raisons peuvent alors expliquer ces faux chiffres. La première pourrait être fiscale. Eh bien oui, en sous-estimant leurs ventes, les tenanciers de ces buvettes géantes et éphémères auraient moins de taxes à payer à l'État, ce qui est peut-être une bonne piste ici. Ils peuvent aussi chercher à sauvegarder l'image plutôt familiale qu'ils veulent donner à cette fête à laquelle se rendent la plupart des Minuquois avec leurs enfants. Avant 18h, de très nombreux locaux viennent boire une bière, OK, avec deux ou trois petits habillés en costume traditionnel. Mais on amène les kids à la brasserie. La viande saoule est rare. C'est quoi ça? La viande saoule est rare. En début d'après-midi, OK. Même si les excès tendent à se multiplier depuis quelques années et où le bas blesse, c'est le nombre de visiteurs qui a tout juste augmenté de 7% depuis 2004. Le volume de mousseuses commandées, lui, a littéralement explosé de plutôt 26%. 7% plus de monde, mais 26% plus de bière. Pour passer à 7,7 millions de litres, cette tendance inquiétante n'est pas bonne pour l'image de l'Oktoberfest et les brasseurs préfèrent donc taire la vérité. Eh bien oui, on fait les choses comme il faut. Alors sur cette année folle, cette musique de fou, eh bien on va rejoindre Alex Dorval. Salut Alex. Salut Danny, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, super. Yes. Ben oui, je t'attendais plus tard, là, mais je suis bien content que tu sois là. Ouais, finalement, on s'est libéré. Excellent. T'aurais dû ouvrir ça puis boire ça avec ton chum. On voulait en garder pour toi. Ah, vous êtes trop fin. C'est quoi? On a amené deux bières. Là, on a hâte au printemps, tout le monde. Puis je sais pas. Je pouvais pas... Fait qu'on peut pas s'en empêcher, puis c'est une façon que j'ai de faire le pont entre les deux saisons. On a des bières de blé. OK. Je vais te dire que c'est une bière que j'aime l'été, mais c'est une bière que j'aime l'hiver. Tout le temps. Mais dans le fond, on a amené notre Hopfenweiss qu'on a sorti il y a 3 semaines, donc le Vastring, qui est une bière, un hybride entre une Weissbier, donc une bière blanche allemande, et une... IPA à l'américaine, donc avec des houblons de la vallée de Yakima, donc les fruits exotiques au nez, puis une belle douceur en bouche du haut bleu, puis on n'a pas de bleu, on a mis de l'orge non malté, okay. On a mis des flocons d'orge, ce qui fait un petit peu le même résultat. Mais Weizen, c'est pas le blé, ça? Weizen, oui, Weiss, c'est blanc. Ah, OK. Donc on pourrait pas dire que c'est une Hopfenweizen, mais on peut dire que c'est une Hopfenweiss. Ton allemand est pas mal meilleur que le mien. cette bière-là, dans le fond, le Vastring, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Mais on a amené aussi l'Opinel. Donc, celle-là n'est pas sortie encore. Elle sort dans comme le couteau français. Oui, c'est ça, comme le petit couteau de cueillette, parce que c'est la saison qui commence bientôt, la cueillette, la chasse. Donc, nous, on l'a écrit H-O-P-I-N-E-L. OK. Donc, comme hop, qui veut dire houblon en anglais. OK. Donc, l'Opinel, c'est une session IPA. Donc, on parlait de session beer dans les dernières chroniques. C'est une bière à 3,5% d'alcool. Okay. Donc, on peut se permettre d'en boire. On peut se permettre d'en boire. Puis, quand je te dis que c'est possible de faire des bières à ce niveau-là d'alcool, mais avec une bonne intensité de saveur, je te permets d'y goûter ici. Ben, merci que tu me permettes ça. J'essaye ça, voir, tiens. Affûte-toi les pépilles. C'est une bière de scout. Ça, c'est plein de saveurs, mais ça ressemblait, je trouve, à... C'est pas loin d'une bière commerciale, je trouve, le goût. Ben, en fait, on est dans deux types d'houblons. OK. On a des houblons de la Slovénie, puis on a des houblons néo-zélandais. Donc, on a un petit côté qui pourrait ressembler à une pils dedans. Ouais, c'est donc, ça fait pilsner, exactement. C'est une mini pilsner, mais on a aussi une petite touche de fruits exotiques due au blond Green Bullet. OK. Donc, on garde ce chemin. Vraiment puis... surpris des goûts qui m'ont rentré dans la bouche, mais effectivement, c'est beaucoup plus goûteux, là. T'aurais-tu mais... dit 3,5% d'alcool? Non, par contre, vraiment pas, ouais. Vraiment pas, mais... Très, très goûteuse, mais vraiment, les goûts, c'est ça, Pilsner, exactement, ouais. Les bières qui me font... Parce que souvent, les bières commerciales vont être des Pilsner. Il y en ouais, a ben des fois, c'est des pâles imitations d'une ouais. Pilsner, tandis que il existe les vrais Pilsner, c'est des bières complexes. OK, je connais pas. C'est... D'habitude, je m'éloigne des Pilsner ouais, un ben peu, moi, ça. À la base, là. C'est sûr, mais on revient un peu, dans le fond. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de mauvais style de bière, il y a juste des mauvaises interprétations. Exact, tout à fait. Puis, c'est vrai. C'est un peu ça. Fait que ça, c'est notre nouveau produit qui va être aux pompes d'ici dimanche. OK. Donc. Rappelle le nom, celle-là? Opinel. L'Opinel, OK, ouais. Exactement. Et puis, donc, la Vastringue qui est toujours en pompe au temps d'une pinte. Sinon, je trouve que c'est une belle thématique, les bières de bleu pourraient rentrer dans l'été parce que ça, c'est les bières qu'il y a de plus en plus. On avait goûté l'autre fois notre tarte à la lime. Oui. C'est une bière de bleu au cédra, donc aux agrumes. On voit vraiment tous les styles de bière. On goûte un ajout de bleu. Là, Là comme l'arrière-goût qui me reste, vraiment le goût de pain, de céréales, vraiment. Exactement. Très, très puissant. Là. C'est ce qu'on recherche bon. Un peu. Le bleu nous permet de faire beaucoup de parallèles avec la boulangerie ouais. ou la pâtisserie. Puis c'est le houblon, après ça, vient donner les arômes, mm-hmm. un peu comme les épices en boulangerie. Vraiment, très bien. L'autre, c'est... Je peux goûter ça. Je l'avoue, elle est là, être seule, puis je veux goûter aussi. Mais je veux. Un instant. Moi, j'irais plus vers elle. Ouais. On a un petit peu plus malteux aussi. Ouais. Puis c'est ça, j'aime les côtés, le petit côté fruits exotiques là, dans elle. Très bonne. Ben, c'est les bières qui nous donnent out à ce que les terrasses c'est haut. Là, on a le soleil, mais il manque la chaleur. Un petit ouais, peu. Ben, il manque un dernier petit coup de chaleur, mais on a vu des braves au centre-ville déjà. Aller sur la terrasse. Aller sur la terrasse, oui, oui. Il y a beaucoup de monde qui. Sont tough. Ouais, ouais. Sinon, qu'est-ce qui se passe au temps d'une pinte? Ben, au temps d'une pinte, on a eu le show de Marc Bérubé hier. C'était excellent. Il y a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues. Le show il a duré de quoi comme 2h15. Okay. Ils ont fait ça en deux parties. Ils ont joué 20 chansons wow. environ. C'était vraiment excellent. Une belle soirée. Ouais, une belle ambiance. Il y avait eu plein de gens qui sont venus souper avant. Il y avait du swing au deuxième étage. C'était, c'était une soirée assez mouvementée. Puis sinon, à venir, on a un match spécial de la LIM okay. dans le cadre du Salon du Livre, donc la Ligue d'improvisation mauricienne, qui vont venir faire un match le 24 mars en soirée. Faites-vous ça en bas? Non, ça se passe okay. au rez-de-chaussée. Okay. Donc la thématique, c'est les thèmes littéraires en rapport oh. au Salon du Livre. Donc, et puis, on a un concours de barbe le vendredi 27 oui. avec le barbier Franck-Olivier Guimond, qui est un barbier de la région. Okay. Donc, on va pour ceux qui s'inscrivent au concours, pour 10$, vous courez la chance de... Vous faites tailler la barbe et okay. vous courez la chance de gagner un prix si vous êtes dans les trois meilleurs selon les votes du public. Puis on va aussi faire tirer des prix pour les gens qui vont être dans la salle. Ouais. Mais ça, je me demandais, là, le barbier... Il fait quoi? Il va-tu les chopper après? Ou il est taille, lui? Il est taille. Il met ça propre. C'est ça, il met ça propre. Il fait des barbes qui restent une barbe. Okay. Ça reste du poil, mais c'est clean. C'est plus clean. C'est ça. Je risque de participer. Ouais, ben là, j'espère. Puis on va amener une vraie célèbre. Chaise de barbier. On a dégoté ça. Puis, c'est excellent, ça. On va avoir du fun à la messe. Fait que ça, c'est pour notre mois de mars qui passait sous la thématique du bûcheron. Puis aussi, ça pourrait être peut-être, si le gars, il se l'est toffé jusque cette journée-là, il peut-tu dire au barbier à la fin, tu me la tchats? Peut-être. Je sais pas s'il va amener une tondeuse ou quoi. Là, pour ça. Mais sinon, mois d'avril qui s'en vient, oui. on va avoir premier week-end d'avril, c'est le long week-end de Pâques. Oui. On fait des brunchs tout le week-end. D'ailleurs, on a des brunchs depuis 2 semaines. On a commencé ça les samedis, dimanches. Fait que à Pâques, ça va être un brunch thématique. Quelle heure que ça rouvre pour les brunchs? Ça rouvre de 10 à 15 heures. Parfait. Donc, à tous les samedis, dimanches et jours fériés, oui. On a un menu brunch. On a commencé aussi les midis espresso, des tables d'hôtes sur l'heure du midi. OK. Et puis, on prévoit les ouvertures de terrasse pour la mi-mai. Puis, en avril, la thématique risque d'être les mécaniciens. Donc, suite au bûcheron, à cause des changements de pneus, on remet l'auto en marche pour l'été. On a aussi un spectacle de Gabrielle Papillon, qui est une chanteuse folk anglophone. OK. Qui m'enverras les infos. Nouveau-Brunswick. Oui, je t'envoie ça. On dirait qu'on a plein d'artistes anglophones qui ont des noms francophones. Ben oui, c'est ça. Provient de Nouveau-Brunswick. C'est super intéressant. Là. Ça vient d'être confirmé dernièrement. Puis on cherche aussi un band local pour faire la première partie, une trentaine de minutes. Fait que j'annoncerai ça dans les semaines à venir. OK. Donc un band qui fitterait avec la mécanique. Ouais, ben ça peut être ça. On n'est pas si thématique que ça, mais ouais. Mais non, mais il y en a une couple là, qui était popée. C'était quoi, Ramar, eux autres, trippaient char, puis sinon, les gars de Mashup. Ouais, ben j'ai approché les gars de Mashup, j'attends des nouvelles. Bon, ben excellent. Puis pour le 5 à 7 à soir, vous percez quoi? Ouais, on perce un casque ce soir de sang d'encre du Trou du Diable, donc un gros 40 litres, il y en a pour tout le monde. OK. Fait que venez nous rejoindre. Exact. Puis, y a-tu de quoi, tant qu'à être là, la carte aujourd'hui, c'est quoi? On a encore notre Dublin Coddle, qui est notre plat traditionnel irlandais, qui est encore la carte, avec du lard braisé, pommes de terre grelot et de la joue de veau. Oh. C'est délicieux. Puis sinon, on a fait de quoi? Il y a de quoi sur le menu qui est vraiment bon, qu'il faut essayer. Venez le partager, là, on le vend à demi ou complet. Okay. On a fait le temps d'une basse-cour, c'est notre assiette de poulet. On dirait qu'on est chez Ticoc, mais version de luxe. Okay. On a fait notre sauce barbecue, on a fait notre salade de choux, puis on a un poulet complet dans l'assiette, là, sur un lit de gnocchi. OK. C'est juste complètement délicieux. Ben, c'est clair. Vous essayez ça. Fait que, Les gnocchis faits chez vous? Ouais. Oh. Les gnocchis faits maison, rôtis, le poulet est rôti maison aussi. Ah. Je m'en ai fait cette semaine des gnocchis, c'est tellement bon. Donc, allez au temps d'une pinte ce soir, donc au 5 à 7, et puis les autres jours aussi, mais ça pogne vraiment le 5 à 7. Comme je te dis, l'autre fois, je suis allé, puis j'ai pas resté, c'était trop plein. Mais allez-y. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30, et le dîner de cons, de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.